Chapitre 4. Le 5 février, le juge d'instruction se présentait accompagné d'un huissier chez M. du Sablon. Comme la plupart des médecins de campagne, M. du Sablon avait chez lui, dans un secrétaire dont il portait toujours la clé sur lui, une petite pharmacie provisoire composée des remèdes les plus usuels. Le magistrat instructeur lui demanda s'il possédait de l'arsenic. « J'en ai acheté le 16 décembre à Angoulême, » répondit le médecin, « environ 60 grammes. » sur lesquels j'en ai employé à peu près 15 grammes pour empoisonner des rats qui infestent mon pigeonnier et qui incommodent également mon métayer Jarton. Je vais du reste vous montrer la quantité qui m'en reste. » M. du Sablon ouvrit son secrétaire, en tira un flacon bleu, poussa un cri et tomba à la renverse. Le flacon était presque vide. Sur les 45 grammes d'arsenic qu'il eût dû contenir, 20 grammes avaient disparu. Des recherches faites dans le pigeonnier et dans les greniers du métayer Jarton amenèrent la découverte de divers morceaux d'une substance d'un blanc verdâtre qui, à l'analyse, donnait environ 14 grammes d'arsenic, à peu de choses près la quantité déclarée par le médecin. Mais qu'étaient devenus les 20 grammes dont il ne pouvait expliquer la disparition? Le métayer Jarton, interrogé, raconta qu'étant venu un jour demander à son maître de la Morora, M. du Sablon avait cherché en vain, à sa place habituelle, le flacon qui contenait l'arsenic. Comme il ne le trouvait pas, Madame du Sablon le lui montra sur la cheminée en lui disant « Tu sais bien que je l'ai remis à ta mère qui l'a rapporté vide. » Madame du Sablon connaissait donc et maniait donc le flacon à l'arsenic. Ses rapports avec Gotland, bien que niés de part et d'autre, étaient prouvés. Enfin, elle avait soigné Fanny pendant sa maladie. De ces trois points, l'instruction avait attiré bien des conséquences. On en était là quand un fait aussi grave qu'imprévu vint presque changer les soupçons en certitude. Le lendemain du jour où le magistrat instructeur s'était présenté chez M. du Sablon, une dame de Marton, amie de la femme du médecin, Mme Marchadier, vit entrer chez elle la servante de Mme du Sablon qui lui apportait une lettre. Mme Marchadier était encore au lit. Elle prit la lettre, brisa le cachet et lut. « Ma pauvre Isoline, vous devez savoir le malheur qui m'arrive. La justice s'est transportée à Saint-Germain pour cette malheureuse affaire. Je suis innocente de ce dont on m'accuse. » Mais il est bien dur de se voir soupçonner quand on est sans reproche. J'ai ma conscience pour moi, mais je n'en suis pas moins malheureuse. Adieu, venez me voir bientôt. Votre Lord du Sablon. P.S. Et Élodie aussi. Aussitôt cette lettre reçue, Madame Marchadier, s'habillant à la hâte, envoya la servante de Madame du Sablon chercher Madame Élodie Doury, et les trois femmes se rendirent à Saint-Germain. En arrivant chez M. du Sablon, elles remarquèrent avec surprise que la porte de l'escalier était fermée. Cependant, les sabots de M. et Mme du Sablon étant déposés au bas de la dernière marche, il était évident qu'ils n'étaient pas sortis. Les deux dames essayèrent en vain d'ouvrir la porte. Inquiètes, elles envoyèrent chercher le maréchal du village qui força la serrure. Elles montèrent l'escalier. La porte de la chambre de M. du Sablon était également fermée. « Ah, mon Dieu !» s'écria Mademoiselle Doury. « Il y a peut-être quelque malheur. » À ces mots, la domestique se mit à sangloter. « Ce ne sont pas des larmes qu'il faut ici, c'est de l'action, du courage. » dit une voix ferme, Madame Marchadier. « Ouvrez la seconde porte. » Le maréchal obéit. La chambre était remplie de fumée. Sous le lit était le jeune enfant de M. du Sablon qui se débattait contre l'asphyxie. Le premier mouvement de Mademoiselle Doury fut de s'enfuir. Mais sa compagne, plus courageuse, s'empressa d'aller ouvrir les fenêtres et de donner une issue au gaz délétère. Pendant ce temps, Mademoiselle Élodie, revenue de sa frayeur, saisit le pauvre enfant et le porta à la fenêtre afin de lui faire respirer l'air à plein poumon. Mais qu'étaient devenus les parents? Comme Madame Marchadier se posait cette question, elle avisa au bas d'une porte qui conduisait à un cabinet de toilette un morceau de drap, mis là dans le but de calfeutrer cette porte. Tirant le morceau d'étoffe, elle enfonça la porte du cabinet et se trouva en présence des deux époux. M. du Sablon était étendu sur un matelas posé sur le plancher et sa femme couchée par terre du côté du réchaud, la tête appuyée sur les genoux de son mari. Tous deux avaient les cheveux hérissés, les yeux retournés, l'écume à la bouche. Madame Marchadier saisit dans ses bras Madame du Sablon et la porta également respirer l'air, tandis que Mademoiselle Élodie, se penchant dehors, poussait des cris de détresse et appelait au secours. Sur un meuble, auprès du lit où l'on avait trouvé l'enfant, étaient déposées deux lettres de M. du Sablon, l'une adressée à sa sœur, l'autre à sa famille. Voici ces deux lettres. « Ma chère sœur, vous savez que dans ma dernière lettre, je vous disais que si Dieu me réservait de plus terribles épreuves que celles que j'avais soutenues, j'aurais besoin de plus de force. Eh bien, ces malheurs sont arrivés et les forces me manquent. Je vois ma femme, et moi peut-être, quoique parfaitement innocent, menacé d'une condamnation infamante. Je ne sais pourquoi, nous, innocents, et nous le jurons par ce que nous avons de plus cher pour notre salut, que notre action va compromettre, nous nous donnerions en pâture à cette stupide populace qui ne manquerait pas de se réjouir de nous voir envoyés au bagne ou à l'échafaud. Une mort volontaire me paraît préférable, et j'espère que moi et les miens seront délivrés par elle d'un monde exécrable, où la calomnie est si puissante que pas un honnête homme n'est sûr de ne pas éprouver notre sort. Je meurs avec la conviction que ma femme est pure et innocente. Du reste, ma résolution le fait assez connaître. Je n'ai qu'un regret, c'est d'être obligé de sacrifier